À Dieu soit la gloire par son grand amour d'amour. Amen. Noir se lève le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, qu'elle récolte sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, Père, son Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante à sa de Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie de notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus chantera. Deuil en allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père, écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus le vainqueur, que toute la terre chante sa nous rendons gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Louange à son nom merveilleux. Le nom est le gardien. Le nom de Jésus-Christ est le protecteur. Le nom de Jésus-Christ est le libérateur. Il est le surnaturel, le miraculeux, le merveilleux, l'immuable. En lui, il y a tout. Et sa paix surpasse toute intelligence. Si les humains cherchent l'intelligence pour résoudre des problèmes, et on s'adresse à des maisons de guérison, on va dans les hôpitaux, on va chercher des solutions aux problèmes des et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On va dans les cours des tribunaux pour rétablir dans ses droits. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est plus fort que toute intelligence. Aïe la paix. Sois en paix. Comme il est écrit, étant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ au moyen de son sang rédempteur, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. L'Église doit avoir la paix. Jésus-Christ est le roi de paix. Il donne la paix telle que le monde ne peut la donner. La parole dit, Quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, l'Esprit de Dieu dressera l'étendard. Et il le mettra en fuite. L'ennemi doit s'enfuir. Il doit vider les lieux. Il doit rencontrer la résistance. La résistance de la foi. Notre frère Prince est allumé à l'hôpital depuis tôt ce matin. Car depuis la nuit, il avait de graves troubles respiratoires. Et il a même été transfusé aujourd'hui. Dieu reste Dieu. Son intelligence, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Il nous donne un grand shalom. Église, ayez la paix en Dieu. Ayez la paix en Jésus-Christ. Alors qu'il faisait leur voyage aujourd'hui, notre frère David, au nom du frère Junior Mboui, a signalé avoir fait un accident avec la remorque. La voiture est passée entre deux véhicules remorques. Incroyable, mais vrai. Ils ont eu la vie sauve, leur chauffeur a réussi à sortir de là. Il avait déjà adressé une requête auparavant. Lui et sa fille. Il a demandé déjà la requête de prière. Ce soir, le tabernacle chrétien pense à eux. Et quelques heures après cette requête, il signale un accident. Mais ils ont poursuivi le chemin. Tout ceci parce que le nom de Jésus est le libérateur. Il est le protecteur. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve en colère, mais l'Esprit de Dieu dressera l'étendard. Et il le mettra en fuite. L'ennemi doit s'enfuir. Il doit rencontrer une forte résistance. Il a de lui une armée équipée. Une armée vigilante. Un groupe de croyants en Jésus. Et dans la paix du Seigneur. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par sept chemins du Seigneur. Ils se feront la guerre, mais ils ne se perdront pas. Le Seigneur te mettra comme dans les murs de Rhin. Tu seras comme une tour fortifiée. Nous demeurons vigilants. Soyons forts dans la foi. Ne donnons pas accès au diable. Ferme toutes les brèches. Toutes les petites portes du péché immédiatement ça. Car les péchés inconfessés peuvent bloquer la réponse. Sanctifions-nous bien-aimés. Soyons comme Jésus-Christ. Et nous serons plus que vainqueurs. Dieu reste Dieu. Lui voit dans les ténèbres. C'est lui qui veille sur nous. Et tout ancien est oscatuant. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi t'es des ans. Oh. est en danger, et à chaque jour, il s'est écrit, mais Seigneur, rien n'arrive. Alléluia! Chacun nous va encore adresser à Dieu un mot de prière. Des actions de grâce et de remerciement. Que la puissance louange à son nom. Adoré pour ses bienfaits. Les nombreux bienfaits donnent son bénéfice. Il nous écoute, il nous délivre. Il veille sur nous, il nous protège. Il prend soin de nous, il nous nourrit. Il guérit de toute maladie. Ouais. Prions chacun, prions chacun. Thank you. Il y a ce qu'il y a. L'ennemi du peuple de Dieu. Ce qu'il y a. L'ennemi du peuple de Dieu essaye d'affaiblir l'église. Il s'infiltre. Et alors là, il envoie un esprit d'essoufflement en prière. Pour que vous manquiez les mots, que quelques-uns manquent les mots à dire à Dieu. Quand c'est le temps de prier, dans la vie personnelle, dans la vie de l'église, quand il faut prier, alors il y a l'essoufflement, il y a la distraction, il y a le désœuvrement, il y a l'inefficacité. C'est l'ennemi du peuple de Dieu qui a fait cela. Par le sang rédempteur et le nom de Jésus, nous condamnons l'œuvre du diable. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Son sang est le bouclier. Nous condamnons l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, il doit s'enfuir. Il doit s'en aller. Laissez les racheter tranquille. Jésus-Christ est vainqueur. Son bouclier est ici. Il est la nuit de gloire. Il est la colonne de feu. Il est l'ange de l'Orient. L'ange qui campe autour de ce qu'il craint. Il est arraché à tout danger. Les œuvres des démons condamnés. Condamnés. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait promis que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vos nations. Reprenez la promesse de vivre. Il vit dans sa place. Il vit dans son église. Il est présent ici. Il contrôle tout. Le voilà, il contrôle tout. Le voilà, il est le Dieu. Il est le suprême. Il est Le grand général, le commandant chef des troupes de chrétiens, qu'il te donne du souffle. Il te donne du souffle, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Il te donne du souffle, mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Sois fort en prière. Relève-toi. Tiens-toi debout. Relève-toi. Sois fort en prière. Oh Jésus. Alléluia. Louange Jésus-Christ. Oh Père, merci. Nous aimons ton nom. Nous aimons ta vérité. Nous aimons ta puissance. Nous aimons ta présence. Et le fortificateur. Alléluia. Bon, merci. Merci Seigneur. Car tu es le même. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Le même. C'est le même. Le prophète. Pour nous sortir. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, l'Esprit de Saint. Le parfait, le Jésus. Seigneur, Père. Vous nous êtes aussi dans votre souffle-toi. Le souffle-toi. Mais il souffle toi-même. Et la puissance. Et la force de Seigneur. Félicitons-nous. Ouvre la paix. Ouvre de la joie de servir. L'amour parfait de la bonté. Mon Dieu. Voilà, prends le grand, le petit, ça va l'eau. Comment est-ce que ça fait l'ennemi? Prends l'espoir d'en. Alléluia. Est-ce que... Alléluia. Élevé. Mon Jésus-Christ, amen, louange, mon Jésus-Christ, amen, louange, mon Jésus-Christ, amen, louange, mon Jésus-Christ, amen, victoire. Alors que la prédication n'est pas encore donnée, comprends que l'ennemi est sur toi. Comme l'on avait dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Tu ne peux pas te souffler en prière. Tu ne peux pas manquer de mots en prière. Tu ne peux pas manquer à dire quand tu pries. Dieu t'accorde une source abondante. Il y a rose, alimente. Pour savoir quoi dire, quoi demander. Il est celui qui nous change. Il est le Dieu qui nous change en profondeur. Il connaît la situation de chacun de nous. Il voit l'ennemi et ses campements. Il voit tous les complots et les projets malheureux. Mais il connaît les projets qu'il a fait pour nous. C'est pour le bonheur et la paix. Louange à toi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons et acclamons ton nom. Un nom miraculeux, Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Il est Bénis le moment de prédication. Que chacun reçoive une bonne portion. La visite de Dieu. La portion céleste. Soyons dans les lieux célestes. Soyons dans les lieux célestes. Chaque esprit. Pour notre sécurité. Louange et honneur à toi. Pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons maintenant lire la parole. Que nous aimons de tout cœur. Car nous sommes ici pour ça. Vous allez à la première. Ici pour Dieu. Amen. En Timothée chapitre 3. Nous prenons le verset 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Et il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Introduiront sournoisement des sphères pernicieuses. Introduiront sournoisement sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à la table du Seigneur. Nous aimons notre église, nous aimons la maison de Dieu. Dieu n'est pas formaliste. C'est nous qui sommes des fois trop attachés aux formes. Et nous pensons qu'après avoir répété des formes, Dieu est satisfait de nous. Et pourtant, ça devient une façon de dormir profondément. Chaque jour, les mêmes choses de la même façon. Et finalement, c'est le profond sommeil spirituel. La distraction terrible. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Que son nom soit béni pour ce moment de prière. Il nous a fait cadeau d'une heure de prière. Vous savez, pendant que nous prions, je pensais qu'on a pris 15 minutes. Et je viens de regarder la montre, on a fait une heure ici. Mais ça a donné l'impression que c'était 15 minutes. Est-ce que quelqu'un aurait eu la même impression? Voilà. Vous voyez que Dieu soit loué. Amen. Vous comprenez que quand on marche dans la présence de Dieu, quand vous voulez prier en profondeur, vous tant que vous êtes là en train de conjuguer le verbe, regarder à la montre, vous nous ferez tout que selon le temps. Et le dénominateur commun ne sera que le temps. Notre seule satisfaction sera d'avoir respecté le temps. Même pas d'avoir été entendu par Dieu. Ni d'avoir été approuvé par lui. Ni d'être agréé de lui. On poursuit le vent. Le temps passera. Le temps restera. Il y a mieux que le temps. Le temps, c'est ici sous le soleil. Parce que Dieu avait dit, là au commencement, il avait dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. C'est eux qui devaient servir à marquer les temps, les périodes. Genèse 1, verset 14. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Poursuivons jusqu'au verset 19. Voyez, il marquait les époques. Ce sont des signes pour marquer les époques. Les jours et les années. Qui sont des éléments de composants du temps. Les époques, les jours et les années. Ce sont les éléments constitutifs des temps. Mais ils sont marqués par quoi? Par les luminaires créés par Dieu. Là où ces luminaires éclairent. La zone, toute la zone qui dépend de ces luminaires. Dans l'espace, la juridiction, le domaine, ils marqueront les époques, les jours, et mais maintenant, il y a un autre domaine de vie. D'autres lieux de vie. Où les luminaires n'accèdent pas. C'est comme le trône de Dieu là-haut. Il n'est pas éclairé par le soleil. Ni par la lune. Ni par les étoiles. Là où Dieu a son trône, on ne voit pas le soleil là-bas, en train d'éclairer du dessus. Il n'y a pas de lune au-dessus du trône de Dieu là, en train d'éclairer les anges, les chérubins, les archanges. Il n'y a pas de lune là-bas. Comprenez ça. C'est-à-dire que si vous allez chez Dieu, vous ne serez plus éclairé par le soleil, ni par la lune, là où Dieu se trouve là. Mais quand vous rentrez ici sur terre, alors le soleil va commencer à vous éclairer. Il a dit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Autour du trône de Dieu. Là où il y a les saints anges, les séraphins, les il n'y a pas les jours, il n'y a pas de nuit. Là-bas, ça s'appelle l'éternité. Mais quand on prend une créature de la terre, on l'amène là comme un témoin. Il peut se faire une idée du temps. Pour savoir que ça c'est la durée du jour, ça c'est la durée de la nuit. Mais là, c'est toujours éclairé en permanence. Il n'y a pas une période appelée nuit où les ténèbres s'arrêtent. Que les anges commencent à chercher des lampes bougies pour voir par où passer. Ça n'existe pas. Là-bas, ils n'ont pas besoin de ça. Dieu lui-même est la lumière. Et qu'il serve de lumière, verset 15. Et qu'il serve de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ici. Dieu a créé les luminaires dans l'étendue du ciel, mais ils doivent servir pour éclairer quoi? Non pas pour éclairer les cieux, mais pour éclairer la terre. C'est créé pour éclairer la terre et non pas pour éclairer les cieux. Dieu suit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il suit aussi les étoiles. Et Dieu répète cette vérité pour que ses enfants la retiennent au verset 17. Que ce soit le grand luminaire appelé soleil, que ce soit le petit luminaire appelé lune, que ce soit les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la paix. Zambe asaki ya mokati na etombe na likolo mpona kotanisa mokili. Non pas pour éclairer les cieux, mais pour éclairer la terre. C'est vraiment ça. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le quatrième jour. Dieu a fait ça. Il a créé les luminaires. Il leur a assigné un rôle dans le temps et pour le temps. Et nous savons que Dieu fait réaliser cela fidèlement. Que ces luminaires-là font vraiment leur travail. Dans le psaume 136, le verset 7, ces luminaires-là sont nommés. Ils portent un nom. Le grand luminaire, c'est quoi le petit luminaire? Psaume 136. Verset 7 à 9. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde dure toujours. Le soleil est un luminaire, un grand. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dure toujours. Dieu l'a fait. Et ces luminaires font du travail dans les domaines qui leur étaient impartis par Dieu. Chacun en son lieu. Mais il y a une cité éternelle. La cité à venir pour laquelle nous combattons. En lisant Apocalypse 21, il est parlé de cette cité-là. Et la Bible dit ceci. Je prends un extrait. Verset 22. Apocalypse 21, verset 22. À 25. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans cette cité-là, pas besoin de dire « Oh, église à Bakingandi, oh, des temples à Bakingandi, oh, une église à Bakingandi. » Pas ça là-bas. Le Seigneur lui-même est le temple. L'agneau lui-même est le temple. C'est-à-dire que tous se retrouveront en lui seul. Voilà pourquoi ici-bas, maintenant, il n'y a qu'une seule église de Dieu. Et on ne peut pas y adhérer. Chacun doit y naître. C'est Dieu qui engendre les gens dedans. C'est lui qui y ajoute les gens. Il prépare la vie d'éternité. C'est comme ça que nous y serons pour l'éternité. Un seul temple. Le Seigneur lui-même. C'est lui qui sur terre avait dit, détruisez ce temple, et dans trois jours je l'ai rebâti. Les gens l'ont pris de travers. On l'a calomnié pour ça. Il a prétendu détruire les temples. C'est qu'il parlait des temples physiques. Alors que Jésus parlait des temples de son corps. C'est dans ce temple de son corps. Et tous doivent naître. dans le corps de Christ. La partie dans votre Christ. Le temple du corps de Christ. Le temple corps de Christ. Le temple dans votre Christ. C'est là que chacun doit naître maintenant. En recevant le baptême d'un seul Saint-Esprit. Comme on le répétait dimanche. Vous voyez ça? Prépare-nous à la vie de l'au-delà. La vie d'après, de l'après ici. Alors, il ne faut pas s'accoutumer au système de loges et des dénominations. Vous savez que là où nous allons là-bas, ça va rester comme ça. Il y a même de faux témoignages et de fausses visions. Ils sont allés voir des réalités de l'histoire du diable. Ils viennent de la vision qui n'est pas conforme à ce qu'enseigne la Bible est fausse. Pas besoin de révélations spéciales. Et nous conseiller la Bible. Totalement inutile. La parole est la révélation valable pour l'éternité. Et ça me suffit. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il était créé. C'est la suffit. Que Jésus meurt au bonheur se fasse, la Bible le dit. C'est écrit, ce qui est écrit, ça me suffit. Si la Bible ne te suffit parce que tu es malade, la Bible suffit aux chrétiens. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La ville. Là où seront les rachetés. Là où j'ai un beau palais. Ville là. Elle existe, elle est réelle. Mais elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer. Mais c'est créé pour les racheter du Seigneur. Et ils y seront. La ville, elle n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer. Pensez-y. Et c'est là où j'ai un beau palais, moi. Parce que là où toi aussi racheté, tu as ton palais. Donc il viendra un temps, une période, où l'on vivra sans besoin du soleil. Sans besoin de la lune. Mais si on a besoin ni du soleil ni de la lune, habituel sous le soleil, aurons-nous besoin de l'électricité, de la SNEL? La SNEL, très défaillante, compromettante, bien des fois corrompue. La mafia. Voyez frère, où ici au Congo Brazzaville, la SNE, la Société Nationale de l'Énergie. Ici chez nous on a deux sociétés. SNEL, SNEL et puis Régie des Eaux pour l'énergie hydrique. Les autres là c'est SNE je crois, chose comme ça. Non? Ce sont des histoires des humains. Oui, on n'en aura pas besoin là-bas. La gloire de Dieu est suffisante pour tout éclairer. Et de sa gloire sort une énergie suffisante pour soutenir toutes les vies. soutenir toutes les vies. Ça viendra de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? La même niveau de gloire que vous avez vu là. Vous avez photographié là. D'avoir déjà vu ça en photo. C'est cette gloire-là, non pas la photo, mais la réalité qui a été photographiée. Il sera avec nous pour l'éternité. Et elle va tout éclairer. Elle éclairera tous les palais de cette ville. Jérusalem. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. C'est parfaitement vrai et bien promis. Prends la promesse pour toi-même. Il viendra un temps où tu n'auras pas besoin du soleil, ni de la lune. Oh, mais je veux faire mes chants comment? Dieu reste Dieu. Les nations marcheront à sa lumière, à la lumière de la ville. Le Seigneur sera au sommet comme étant la pierre fêtière. La ville a la forme d'une sainte montagne. La forme d'une pyramide. Hein, c'est dressé comme ça. Au sommet ici, pour là où il y a mes doigts ici, comme ça. Là, ce sera Jésus au trône. De sa lumière, il éclaire en bas. Ceux qui sont sous lui, l'épouse éclairée par sa lumière. Les rachetés qui sont sur le flanc. Les vierges et Paul qui seront récupérés après le jugement des trônes blancs auront quand même le petit endroit où vivre aussi quelque part sur le flanc de la colline. Ils seront éclairés par le même être spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ce porte ne se fermeront pas les jours, car là, il y aura point de nuit. Pourquoi point de nuit? On n'a pas besoin des luminaires qui président aujourd'hui. Mais combien de choses là seraient passées? Et Dieu fera toutes choses nouvelles. Ville de perles des lumières, existant sur les hauteurs, aux personnes en paix. Personne n'a encore sur terre pu contempler ta splendeur. Oh là, l'amour de Dieu éclaire. Cet amour créé sera l'agneau lui-même. Oh, les mêmes dans cette vie hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh là, l'amour de Dieu est fait. Oh, cet amour, c'est rage dans lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. C'est là. Et là où la gloire apporte, où l'arbre de vie fleurit, le fleuve, où le fleuve de vie inonde, et ses flots, ses saints, ta boue. Oh là, l'amour des yeux éclaire. Cet amour, c'est c'est comme l'agneau lui-même, lui-même est dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, toi le pèlerin, oh, oui j'ai des grands efforts, oh, fontaine des eaux vives, quel répoulaire, ton père, oh là l'amour que Dieu éclaire. Oh, cet amour, c'est à l'agneau lui-même est dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie! Oh, quelle joie vit tout sur terre, quand Jésus sera présent, quand Jésus sera présent. Cette ville-là, c'est une ville aux mille lumières. Il sera éternellement. Oh là, l'amour de Dieu éclaire. Oh, cet amour, c'est l'agneau lui-même. Agneau lui-même dans cette ville hospitalière, c'est la nouvelle Jérusalem. Il est un espoir qui toujours soulage les cœurs fatigués, la fée du chemin. Il est un repos au bout du voyage. Il y a toutes nos luttes, il est une fin. De nos luttes, il est une fin. C'est la cité, c'est la cité du ciel. Ah, le bonheur éternel, séjour. Oh, laissez-le content devant Jésus. Oh Jérusalem, céleste patrie, tout mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. Agneau mis à mort, précède la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. Viens-toi au ciel, au bonheur éternel, avec tous les élus. Oh, moi je t'aime vers Jésus. Ce Jésus-là est merveilleux. Il est miraculeux. Il est prodigieux surnaturel. Il est mystique et lumière. Il est la lumière du monde, comme il a dit. Trouvons-lui sa joie. Trouvons-lui sa force pour tout. Il sera là lui-même. Le flambeau de la ville. La lumière de cette ville-là. Oboye awa, ouzane ici kakunate. Yambaye déjà. Yambaye na bomohina yo. Yambaye na libotana yo. Yambaye mi kalonyo sa bomohina yo. Zala na yelo kora mokambi. Akambaye osikuna. C'est vrai? Comme la Bible dit ici. Ici dans Hébreu chapitre 13. Cette sainte Bible dit ici au verset 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes. mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est l'exacte vérité. C'est vrai? Dans Hébreu chapitre 11, il est écrit ceci. Verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Verset 13 à 15. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant, comme toi et moi, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Moi aussi. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il les a préparés. Il n'a pas honte d'être appelé mon Dieu à moi. Ton Dieu à toi. Notre Dieu à nous. Parce qu'il nous a préparé une cité. L'a-t-il fait? A-t-il annoncé de le faire? Jean 14. La parole sur parole. Là, il n'y aura plus besoin du temps. Jean 14, verset 1. À quoi? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et il est déjà allé, depuis le temps des apôtres, il était déjà allé. Et lorsque je m'en serai allé, il est déjà allé. Et quand je vous aurai préparé une place, il est en train de le faire maintenant. Père Branham dit dans les sermons, demeure future, Jésus-Christ est occupé maintenant même à construire cette ville. Jésus-Christ est occupé maintenant même à construire cette ville. Ils ont des décennies, des siècles. Et notre petit tabernacle. Sois calme. Nous sommes les enfants d'un Dieu parfait. Nous ne ferons jamais mieux que lui. Alors, il ne faut pas commencer à paniquer. Il fallait bouillir. Ne vous agitez pas, soyez calme. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous serai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il viendra nous chercher. Il viendra nous prendre. Et c'est la vérité. Pensez à ça. Mais qui sommes-nous vraiment? Même si ici-bas, des fois, il nous manque pas mal de choses. Que le monde trouve important. Mais tu n'as rien à regretter. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as son message, tu as tout. Tu as son message, tu es mieux. Que son nom soit béni. Ce que le monde a, tu peux aussi travailler et en avoir, ne plus qu'en parler. Mais ce que Dieu t'a donné, toi, à cause de ta foi et de ton rachat. Mais si le monde travaillait comment? Il ne l'aura jamais! Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 2. Cette parole est véritable. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous laisse révéler par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le monde est habitué aux choses du monde, au système du monde. Mais le ciel et la terre d'à présent passeront. L'ordre des choses actuelles passera. Il vient une période dans le futur où Dieu fera toutes choses nouvelles. Et seulement les nouvelles créatures participeront. Seulement les vainqueurs seront héritiers de cela. Pouvons-nous lire? Oh, mes chers amis, ne jamais vous fatiguer. Il dit, dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 3 à 5, il dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça va s'accomplir. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Le nouvel ordre mondial. Ça, ce ne sont que des gens qui se mettent en valeur eux-mêmes. Certains sont des grands racistes. Des méchants. Le véritable ordre mondial viendra de Dieu. Quand il va balayer tout ce système, le royaume de nations, c'est du non-sens. Vous allez finir mon côté. Comment on va organiser les deuils de la reine et d'Angleterre? Oui, il va faire ça là, matin, dans la réponse de l'Angleterre. Et décréter que tous les chefs d'État et du gouvernement qui viendront pleurer seront mis dans des bis. Excepté le président des États-Unis d'Amérique, qui pourra se déplacer à bord de son cortège, de son véhicule présidentiel. Et l'on voit le président de la France dans les bus en train d'animer comme un chahier. Ah frère, c'est du non-sens tout ça, vaine gloire, vanité. Il est là, debout au couloir en train d'animer. Et après ce sera les cortèges. Président de la France, les gens prêts à mourir debout. Pour les honneurs aux Champs-Élysées. Et là-bas, il est mis dans un bus commun, comme dans un transco. Et il est au couloir là-bas, en train de parler. Mon Dieu. Tout ça, c'est du non-sens. Le véritable nouvel ordre mondial vient. Ce sera l'ordre de Dieu lui-même. Avec les rachetés croyants. Vous avez raison de croire ce message. De vous convertir à Christ. Et qu'il vous introduise dans son royaume. Alors, il dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ce ne sont pas des paroles dont il faut douter. C'est sûr, sûr et certain. C'est sûr et très, très vrai. Sachez-le. Verset 6 et 7. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Rango esini kusalama, nai alifa na omega, lebandeli na suka. Pona moto na posa na komela, nai na komelisa ye, lejiba na mai na bomo, wopola likabo. Molongi akoza biloko uyo mpe, nai na kozala na ye, zambe mpe akozala na ngai mwana. Nalingi kozala solda ya nkolo. Nabunda makase keno nasoka Natonda nelikia penandi mapase Nalingi kozala solda yankolo ya kandeko Kandeko kanaketi nango Ya kande komo si esika eza una naeko loto opona yeso olingi koya elongo ya ka Dieu dit au verset 7 c'est lui qui vaincra héritera ces choses. Veux-tu vaincre? Veux-tu vaincre mon frère? Votre église, voulez-vous vaincre? Alors combattons le bon combat. En avant les soldats, combattons! Pas de découragement! Allons-nous! Adivienne que pourra vous faire. Je termine ici dans Proverbe 22. Hein? Le verset 1 à 5. Quelle planification, le projet de notre Dieu. Une période dans le futur. Il y aura plus de temps et on aura plus de soleil. Alors, habituons-nous déjà dans la vie des prières à oublier les temps. Dans le moment de prière, plongez-vous vraiment. Priez. Et demain, c'est l'adoration. Priez. Pas regarder la montre, mais prier. Jusqu'à ce que. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'aménagement du territoire. Il n'y a pas de ministre, de TPAD là-bas. Mais Dieu lui-même a tellement merveilleusement. Il est l'architecte et le maçon. Il est l'architecte et le maçon. Lui-même de ses propres mains. Pensez-y, quand il doit construire une ville de ses propres mains. De quelle splendide ce sera. De quel niveau de perfection sera-ce? De ses propres mains pour sa chère épouse. C'est un cadeau d'éternité. Donc tu n'as pas souffert pour rien pour cet évangile. Il y a des délices là-bas. Il y a des grandes joies éternelles. Et Dieu t'a réservé à cause de ça. Au milieu de la place de la ville, hein? Il y a aussi une place là. Pas limiter 7e place commerciale. Mais une autre place est là-bas. Mieux que la place de la gare centrale. Il est malade, la place du cinquantenaire. Et là où les chefs commençaient à aller vouloir s'asseoir là-bas avec des diambas. Avec des fumants de chambres. La place du cinquantenaire. On n'y fait plus de défilés. Et quand on avait construit là, c'était les défilés. Le président de la République, avec son cortège, passe là-bas avec la jeep de commandement. Et tous les militaires en garde à vous. Les troupes. Ils prennent le commandement et puis ils font les visites de nos armes. Nous sommes une puissance militaire. Nous avons derrière un meilleur classement en Afrique. On était devenu jusqu'à 9e puissance militaire africaine. En 2019, ensuite 10e puissance militaire africaine. Et Fardessi. Classé 9e. Ensuite 10e. Donc c'est quand même une force. Même si pour nous-mêmes, nous ne faisons que les critiquer, nous ne les voyons comme rien. Mais ils ont été classés là. Comme une puissance et d'autres sont derrière. Donc une armée classée. Mais bien, 10e. Moi, j'ai acheté même un 10e, même d'être 8e puissance. Puissance militaire. Vous dites, mais si c'est ça, alors comment? C'est un complot, c'est connu. Il ne faut pas voir que rien faire d'ici. Il y a plusieurs gens derrière cette histoire. Comment même l'ONU est dans le complot? M23 est mieux équipé que l'ONU. Comment le secrétaire général de l'ONU peut faire une telle déclaration? Le M23 est mieux équipé, est une armée plus moderne. Qui peut croire ça? Et on dit ça en public. Ça dévoile tous les complots. Qui sont derrière ces choses? Oh, nous allons nous tirailler ici, nous insulter pour rien. Tant que vous ne comprenez pas que ce n'est pas ça, on tournera en rond. Et nous cherchons la nouvelle cité là-bas. Oui, c'est Kakaboué. Kakaboué n'a pas contradiction, n'a pas confusion. Et c'est auprès de qui on parle chercher la sécurité, c'est encore lui. Parce qu'il voulait chercher. Il y a des gens pour venir stabiliser la paix. Et même si vous m'avez de comploter contre vous. Nous cherchons la cité à venir. Solution à bien, Wana, frère, sœur. Si Kanayo commet cassé vous tout côté, tout ça, ni ne bougez les mains. Au gobel, ma AVC, Pamba. Vous avez piqué 5 crises d'AVC au courant de la même année. C'est pas bien. Paul ou Kambo, Kouna, ah, toi, papa, il y a paix, va t'emboliser là. Fais les reins et voyageurs ici, comme Abraham. Paul ou Kouna, là, il n'y aura pas les temps. Il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la vieillesse, pas de maladie. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Ces nations qui sont malades et conflictuelles pour être en ces temps-là. Elles vivront en vraie paix. En vrai voisinage. Toujours des guerres et des bruits de guerre. On résout un problème et un autre pas commandant. C'est le système actuel des choses. Pourri. Avec une politique pourrie. Il n'y aura plus d'anathème. Écoutez d'abord ça. Il n'y aura plus de maudit là-bas. Quelqu'un de maudit, il n'y aura pas. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Louange au Seigneur. Et verront sa face. Et verront sa face. C'est un honneur que de servir Dieu, non? D'être un serviteur établi par lui. Et voir ce qui nous attend de l'autre côté. Chers amis, nous n'avons rien envié ailleurs. Tout le vrai miel est ici. Dans cet évangile. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Voilà. Il n'y aura plus de nuit. On l'a dit, on le répète. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Même pas de la fenêtre et tout ça. On n'en aura pas besoin. On a de l'estage. La langue française a reçu même un nom nouveau. Voilà. Un nouveau mot venu du Congo. De l'estage. Donc l'Académie française, c'est pas possible. De l'estage, ça ne vient que du Congo en Afrique ici. Pour nous, on a trouvé un mot et les autres sont en train d'accepter cela. De l'estage. Ah! Nous n'avons besoin ni de lampes, ni de lumière à côté. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Bapojala pena bosenga na kongenga na mwinda te, soko mwe te. Pote kwa nzambe akongenge la bango, pe bapojala batonzi, libela na libela. N'est-ce pas bon? Amen. C'est ce que Frère Bonhomme disait, manquez tout ce que vous pouvez manquer ici. Voilà, mais ne vous permettez pas de manquer une place ici dans ce monde. Que vous ayez, qu'il pleuve, que le neige, qu'il y ait telle épreuve, telle épreuve. Voilà, c'est qu'il n'est pas les mains, amen. Amen. Parce que ceux qui ne seront pas ici seront les plus malheureux de tous les êtres. Êtes-vous là? Vous avez un que Dieu bénisse cette portion de sa parole. Non, pas pour le Seigneur, le à savoir que quand c'est le temps de prière, dans les moments de prière, oublions le temps. Plongeons-nous vraiment. Prions pour satisfaire Dieu et prions pour être satisfait par Dieu. Priez pour satisfaire Dieu et priez pour être satisfait par Dieu. Édifié par Jésus, la donnée n'auront pas, là-bas non, ne vieilliront jamais. Oh, jamais plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas non. Oh, jamais plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nos n'essayeront jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nos n'essayeront jamais. Dans la belle cité, nous allons préserver, nous serons tous dans la douleur. Nous voit ses homélies à celle de nos bien-aimés déjà partis. Oh mon Dieu, plus de vieillesse. Là-bas nous ne vieillirons jamais, oh jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, oh, oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés. Nos troubles, nos épreuves passées, notre blessure passera, nos peines finies, nos voix seront mêlées à celles de nos bien-aimés déjà partis. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là-bas non, ne vieilliront jamais. Dans cette belle cité, nous allons préserver. Nous serons bientôt dans la douceur, la douceur. Nous louerons le roi dans les pages éternelles. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Même si vous marquez tout ici-bas, battez-vous pour gagner là-bas. Prions chacun maintenant. Soirée agréable que tu nous as donnée. Apprends-nous à bien prier. Exerce-nous à mieux prier. Donne-nous des souffles en prière. Donne à chaque frère des souffles en prière. Donne à chaque soeur des souffles en prière. Et démon d'essoufflement. Il y a des masques qui sont là. Esprit d'essoufflement en prière. Prenons le contrôle et nos droits. Prenons le contrôle du territoire. Jésus nous a donné. Brandir la victoire. Sur la paresse en prière. Sur l'inefficacité en prière. Nous croyons que ton sang nous a lavé. Et par ton sang, tu nous donnes des capacités. Par le Saint-Esprit promis, tu ajoutes la force nouvelle et la puissance promise. Le Saint-Esprit surgissant sur nous pour nous doter des capacités, nous donner les aptitudes. Sois ici, Seigneur Jésus. Exauce chacun de nous. Rends-nous performants au front. Rends-nous performants dans la bataille. Performants dans les combats. Nous voulons gagner et gagner les victoires. C'est pour toi, Jésus. À ta satisfaction. Et pour notre satisfaction. Car tu veux que nous demandions beaucoup. Pour que notre chose soit parfaite. Bénis l'église, protège-la, les esprits de mort, qu'ils soient taillés en pièces. Nous ne sommes pas faits pour eux ici. Nous n'avons pas de besoin d'eux ici. Nous avons besoin du Saint-Esprit uniquement. Tous ces esprits sont non invités. Ils vivent dans la vie. Notre foi résiste. Notre foi refuse. Déjà c'est la débandade. Deux attaques signalées. Le bouclier du Seigneur agit. Seigneur, nous voulons que tu nous équipes davantage. Tu nous réveilles davantage. Tu nous réchauffes davantage. Et que tu passes en action, mon Dieu. Tu fasses des choses nouvelles. Et des choses inhabituelles. Tu continues à travailler au milieu de nous. Pour ta gloire, Seigneur. Manifeste ta bonté et la force de ta droite. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit loué.